que nos parents nous pardonnent. Ah putain, on a fini par entrer dans leur jeu, ma gueule. Si ton frère y croupit dans un mitard à Fleury, c'est que les stupes le filochaient déjà depuis la poussette. Ah putain, c'était prémédité, merde. L'économie souterraine, ça a de pair avec les problèmes d'insertion. Laisse-moi bon le brûler, la fin justifie les moyens. Ça devient de plus en plus tard. J'hésitais à faire une dinguerie, les yeux de ma mère. Tard, passer à côté des cagoules à 2€ plus. Combien de temps chez App? C'est peut-être soir, ce que je vais me braquer. Une meda du 3ème H en bas chez noir. Tout va dépendre de mes freins. C'est pas Fleury qui m'effraie, c'est la santé de Daron, mon frère. Mon ange de gauche débloque. Chut, j'aurais dû être orphelin. J'aurais tapé des fours comme je fais au shot. Putain, je suis un trop bon blackos, naïf sur les bords. Me tenir à carreau, ça change rien. Le jugement à l'œil. Comme un con, je reste au rez-de-chaussée à presser les boutons. Le Medef a déjà saboté l'ascenseur social. Le foot, la clé, trop vieux, trop flemmard, c'est mort. Pouvoir d'achat continue son harcèlement. J'ai volé autrui, j'ai pris de la drogue. Je suis comme un des mortels. Charbonne, j'ai rien à dire. C'est super speed pour ceux qui comprennent qu'on trouve pas le bonheur dans les petits jobs à deux balles. Tu vas me suivre dans ma logique à la maternité. L'occasion à tous était vierge. Choque-moi, dis-moi qu'on est tous égaux, que je t'emmerde. Dans les cons oubliés, les appels en détresse foire. Va chercher les sous, oublie pas que Nino prenait moi. Wesley Snipe, il chie des millions de dollars. La diplomatie, ça pousse au bal, trinquage. Suis-moi ma gueule, tu vas comprendre. Un fils de pute a fait sentir le froid glacial d'une arme. Sur la tempe à mon daron, distributeur BNP. Jusqu'à il a l'air qu'il périt sa carte. Ils ont plus rien à foutre dehors. Qu'est-ce que tu veux que je me plie en quatre? Tu vas te manger un carjacking. J'ai un compte en banque à topé. Pardonne-moi, le bénéfice de mon bis de Samsung, c'est juste assez pour squatter le foot, le cœur et le KFC. Y'a rien de chambé, respire. J'ai la folie des grandeurs, la putain de ma race. Tu vois ce que je veux dire? Je risque de me mettre dans la taupe, esquiver la tôle, exhiber les clés de ma Lamborghini, mortier l'arco. Claire Chazal l'a dit, dans le Val de Marne, ils sont spécialisés dans les braquages de banque. 9-3 shit, violence urbaine. 9-2 drogue dure. C'est là-bas que tu vas trouver les plus belles voitures. C'est ton ballon à comprendre. Pas de taf, pas d'oseille, pas de vie. Des sirènes, du charbon. En fait, t'as vu, le temps que les sociologues comprennent, Paris baigne dans le trafic d'amphétamines, le trafic d'exta, le vol à marmé et les gosses dans l'arrachage de sacoche. Parce que les conseillères d'orientation, elles fausses les donnent, on grandit vite quand le daron peut pas chiffrer les nights. Je connais pas des boueurs riches, goûte de luxe, le temps de te faire péter par ces bâtards au gyrophare. Nique pas ton temps à te goumer, ça traîne, ferme ta gueule, va chercher l'euro, y'a ça de vrai. Les sirènes du charbon, c'est super speed pour ceux qui comprennent qu'on trouve pas le bonheur dans les petits jobs à deux balles. Tu vas me suivre dans ma logique à la maternité. L'occasion à tous était vierge. Choque-moi, dis-moi qu'on est tous égaux, que je t'emmerde. Dans les cons oubliés, les appels en détresse foire. Va chercher les sous, oublie pas que Nino prenait moi. Wesley Snipe, il chie des millions de dollars. C'est super speed pour ceux qui comprennent qu'on trouve pas le bonheur dans les petits jobs à deux balles. Tu vas me suivre dans ma logique à la maternité. L'occasion à tous était vierge. Choque-moi, dis-moi qu'on est tous égaux, que je t'emmerde. Dans les cons oubliés, les appels en détresse foire. Va chercher les sous, oublie pas que Nino prenait moi. Wesley Snipe, il chie des millions de dollars.